Très bel après-midi à l'écoute des programmes de la première. Tout de suite, c'est Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cairn, c'est pas du tout un acronyme. Un cairn, qui était un cairn, donc vous savez, des monticules de pierre qui sont destinés à baliser les chemins de montagne. Un cairn, on ne le fait pas pour soi. Le principal destinataire, le principal bénéficiaire n'est pas celui qui le fait, mais celui qui va suivre. Cette semaine, une histoire de portail. Et donc nous, notre vocation en tant qu'éditeur de sciences humaines, c'est d'être des passeurs d'idées, des passeurs d'idées nouvelles, de faire connaître des réalités. Il y a tout un monde de la recherche qu'il faut faire connaître au public spécialisé, mais aussi au grand public. Et on s'est dit, peut-être qu'il peut y avoir des solutions du côté du numérique. Aucun des auteurs, en tout cas, ou très peu, vraiment très très peu, ne s'oppose à la mise en ligne de leurs travaux, en disant, a priori, c'est une bonne nouvelle. Même type d'accueil chez les bibliothèques qui nous disent, enfin une offre de langue française au format numérique pour des revues qui sont importantes. De l'édition. Mais dans le futur, ce qui est certain, c'est que il y aura des pôles thématiques qui répondent à des besoins vraiment de recherche assez précis, je pense. À la diffusion. Le Japon est un cas d'étude assez intéressant puisque on comptabilise aujourd'hui une vingtaine d'universités japonaises ayant souscrit à une licence d'accès à la collection de revues sur Cairninfo. Comment faire circuler la recherche ? Histoire vivante, cette semaine, une histoire de portail. Aujourd'hui, entretien avec Michael Balavoine, directeur adjoint de la maison d'édition suisse Médecine et Hygiène. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Alors, je m'appelle Michael Balavoine, j'ai 39 ans et je travaille à Médecine et Hygiène où je suis directeur adjoint de cette maison d'édition. Mais comment arrivez-vous à ça, monsieur le directeur adjoint ? En réalité, j'ai eu un parcours qui m'a préparé au bouleversement technologique qu'on a maintenant, parce que j'ai fait ce qui s'appelait à l'époque une mineure en informatique linguistique. Donc j'ai beaucoup travaillé sur en fait l'informatique et le texte, sans savoir que j'allais du tout être confronté à ce monde-là. Mais vous imaginiez quoi, en faire quoi, vous le saviez ? Ben non, justement, non. À cette époque-là, je dirais, c'est assez marrant, mais c'est avant, enfin ou marrant, je sais pas, mais c'est avant. Avant cette crise de 2008, en tout cas pour ma part, j'ai pas du tout choisi mes études en fonction de ce que j'allais faire après. J'avais absolument aucune idée. C'était une question d'envie personnelle. J'aimais bien l'histoire, la littérature, donc j'ai fait les lettres. Et j'avais aussi ce penchant de faire des sciences. J'ai beaucoup hésité à faire le PFL. Et au final, j'ai couplé ça avec un peu d'informatique en lettres, donc à faire des dictionnaires, des choses comme ça. Donc c'était assez, au fond, à l'époque, assez précurseur. Même si dès que j'ai terminé mes études, ça, tout s'est transformé. Il a fallu se reformer parce que tous les langages informatiques avaient changé. Donc voilà. Les défis sont, Michael Balavoine, s'il faut bien le saisir, d'abord, essentiellement, primordialement, sur les transformations, les métamorphoses technologiques qui semblent être permanentes. Oui, je dirais en fait le métier en soi d'éditeur, en tout cas en Suisse romande, on n'a pas de formation classique. Hein, donc on arrive là, au fond, chacun des éditeurs, en tout cas tous ceux que je connais en Suisse romande, arrive là avec un parcours personnel. On apprend le métier sur le tas, ouais. Avec, je dirais, des environnements qui sont chaque fois un petit peu différents. Et chacun se forme par rapport aux défis auxquels il est confronté, c'est-à-dire au monde, au fond, des auteurs ou des challenges qu'ils rencontrent. Et pour bien connaître maintenant quand même tout ce monde de l'édition, notamment de sciences humaines en Suisse romande, chacun des éditeurs a une histoire un peu particulière. Mais on est tous, au fond, des artisans qui ont créé notre propre recette, en fait, de construction de ce métier-là, selon des processus qui sont très divers. Il y a certaines parties des gens qui externalisent beaucoup de choses dans la préparation des manuscrits, dans la relecture, etc. Et il y a d'autres qui font beaucoup de choses en interne eux-mêmes à la main. Mais chacun, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce monde-là est un monde très divers, au fond, très particulier, dans le sens où il n'y a pas des processus qui sont propres à chacun des métiers. Un dernier mot, d'ailleurs, avant qu'on en vienne plus particulièrement à pousser votre porte à vous, médecine et hygiène, Michael Balavoine. Peut-on dire, d'une manière générale, que c'est un monde à la fois méconnu du grand public? Ça, je pense que c'est une évidence. Et vous êtes là, justement, pour un peu aller à contre-courant. Mais est-ce un monde en danger? Parce qu'on le sait, par ailleurs, le papier, pour le dire de manière large, est en danger. C'est un monde qui est en danger, je dirais. C'est ce qui est étonnant dans toutes ces discussions autour du monde de l'édition, c'est qu'on nous confond souvent en tant qu'éditeurs locaux régionaux avec des grands groupes de type Springer, par exemple, qui édite Nature ou des choses comme ça, qui viennent d'annoncer qu'ils faisaient 4 milliards de chiffre d'affaires au niveau global. Et au fond, on est souvent comparé à ce type d'éditeur-là qui aujourd'hui, et c'est tout un problème qu'on a dans la partie d'Open Access, on est confondu avec ces grands éditeurs qui, eux, font du véritable business. Aujourd'hui, il faut bien voir qu'en Suisse romande, même des éditeurs comme Zoé, qui sont aussi hébergés actuellement dans les locaux de médecine et hygiène, ne font pas d'argent. On ne fait pas aujourd'hui, je ne connais pas un éditeur en Suisse romande qui fait ce travail-là pour faire de l'argent, en fait. Donc on est content à la fin de l'exercice si on arrive à zéro. Mais c'est plus un métier de passion, c'est plus un métier de rencontre, d'aventure. Mais c'est pas un métier de base, en fait, en Suisse romande où on va faire de l'argent. Alors, monsieur l'éditeur francophone, vous allez me gommer illico ces deux épouvantables anglicismes que vous avez glissés dans votre réponse. Business à la rigueur, je pense que les gens saisissent. Mais quand vous dites open access, il n'est pas dit que les gens sachent de quoi ils retournent, étant donné, une fois encore, que le monde de l'édition n'est pas très fréquemment présent dans les médias. De quoi s'agit-il? Alors, c'est un mouvement qui vient de la recherche et qui est lié à ce que on a dit un petit peu avant. Il y a ce gros monde des éditeurs globaux, type Springer, Elsevier, qui par la numérisation, au fond, on fait un business du management de Ah, vous recommencez. Je recommence. Business du management des data, je dis encore un mot anglais, mais enfin, ils ont réussi en fait à monétariser ces données en au fond offrant l'accès à la connaissance pour les chercheurs de façon payante via des portails aux bibliothèques. Au fond, ce qui s'est passé, c'est que les institutions en ont eu un petit peu marre de payer à double l'accès à la recherche, parce que d'un côté, ils payent la recherche des chercheurs, puis après, ils doivent payer via les bibliothèques l'accès à cette recherche qui est produite dans les institutions. Oui, c'est le comble, en effet. Donc, au fond, ce que les institutions et ce mouvement est assez légitime, ce que l'open access veut faire, c'est éviter d'avoir ce double paiement. Mais souvent, les gens, ce qui se passe avec l'open access, ils le confondent avec la gratuité. C'est pas de la gratuité. Ça veut dire que l'open access, le travail, et au fond, le travail éditorial qu'on fait, nous, est un travail qui doit être rémunéré d'un certain côté et qui est payant d'une manière ou d'une autre. Donc, ce que les institutions ou les fonds de recherche, le CNRS en France, le Fonds National en Suisse, ont mis en place, ce sont des paiements, c'est de nouveau un mot anglais, des processing charges pour le travail éditorial. Donc, on paye en amont tout le travail éditorial et la rente liée à la publication d'un texte, et on le donne directement en libre accès à la communauté de chercheurs, mais aussi à la communauté du grand public qui serait intéressée à ce type de recherche-là. Vous avez employé un verbe qui, naturellement, est rattaché à votre fonction. Éditorialiser, ça consiste en quoi ? Bah, c'est là toute la question qui arrive avec l'open access, c'est quel rôle, au fond, l'éditeur qui aujourd'hui a un rôle de sélection, de choix, et puis aussi de transmission vers le public, d'une forme de recherche plus ou moins évoluée. Mais disons, notre but en tant qu'éditeur, c'est quand même de pouvoir valoriser la recherche auprès de la société, de faire ce pont entre ce monde académique et puis la population générale. Donc, il y a toujours dans le métier d'éditeur une forme de risque, dans le sens où on fait des choix et on espère, sans savoir à l'avance, que ces choix vont rencontrer un public, vont quand même avoir une vie économique. Ça sous-tend une dimension artistique dans les prises de risque, par exemple choisir une couverture, faire en sorte, on l'imagine, d'attirer l'œil, car le contenu peut être parfois aride, mais il faut au moins un minimum de coquetterie, si j'ose dire, pour faire venir le chaland. Alors, je dis, aujourd'hui, en Suisse et de manière générale, c'est vrai que la qualité des livres qui sont produits sont quand même vraiment... C'est de beaux objets. C'est des très beaux objets. Ouais. C'est des très beaux objets. Et c'est assez frappant quand on va au Salon du Livre de Genève, sur le stand du Cercle de l'édition, où on voit la qualité des objets qui sont produits. On a en Suisse ce sens quand même graphique et ce sens du bel objet. C'est important, mais c'est évidemment pas le plus grand défi lorsque vous sortez un livre. En plus, pas forcément simple, disons, qui cherche à analyser la complexité du monde en sciences humaines, vous allez vous trouver dans un marché qui est saturé. Il faut voir qu'en Suisse romande, il y a 60 000 titres qui sortent par année en langue française, y compris les traductions, plus de 2000 titres de la part des éditeurs francophones. Donc de faire une place à un titre qui apparaît aujourd'hui, c'est extrêmement complexe, en fait, de réussir à lui donner une visibilité qui soit correcte. Et au fond, c'est vrai que l'open access, c'est un peu ce jeu-là, disons, ce jeu du risque éditorial qu'elle remet en question, et ça pose quand même un certain nombre de points qui sont discutables en termes de jeu éditorial et d'indépendance aussi. Au fond, ce qui se passe, c'est que si la recherche est disponible gratuitement, sans travail éditorial, sans choix éditorial, en disant juste c'est une revue par les pairs qui, au fond, va valider formellement le fait que c'est une recherche qui peut être publiée, et puis qu'elle va être posée sur un serveur à disposition, peu importe où, à disposition du monde scientifique en général et du public aussi, vous perdez, au fond, ce challenge qui est de pouvoir quand même intéresser les gens et de rencontrer un public aussi. Histoire vivante, suite de l'entretien avec Michael Balavoine. Michael Balavoine, on vous entend, vous, personnellement. Pourriez-vous dire que, d'une certaine manière, un grand nombre de vos confrères en sont au même point? Je le sais parce que nous nous connaissons, que et vous me l'avez dit à plusieurs reprises, que vous rencontrez vos collègues assez fréquemment et que vous discutez, vous faites même parfois des projets ensemble, qu'ils aboutissent ou non, peu importe. Mais on imagine que la présentation de ce que vous nous dites là, en termes de situation, elle est l'objet, pour vous, de discussions. Et si oui, relever ces défis, pour utiliser une expression commune, pour les éditeurs de sciences humaines en Suisse romande, ça consisterait à quoi ? Alors, ce qui se passe, c'est que en France, et il faut quand même le soulever, c'est une belle mise en valeur de la recherche au niveau francophone. Il y a eu très tôt des sur le modèle américain des G-Store et aussi un modèle qui s'appelle Public Knowledge Project, qui a été fait par l'université de Stanford, des plateformes d'agrégation de contenu des éditeurs, en fait, pour mettre en avant, pour donner une visibilité supplémentaire à la recherche produite. En France, le portail Cairn, mais aussi Open Edition, a au fond créé les mêmes types de structures là, d'abord qui viennent des revues de sciences humaines. Ça vient plutôt du monde des revues et pas forcément qui l'ont initié. Oui, ouais. C'est-à-dire que au fond, c'était de pouvoir avoir les mêmes outils que les grands éditeurs commerciaux type Springer. Une nouvelle fois, c'était de pouvoir proposer la recherche de titres de sciences humaines, peut-être plus à plus petit tirage, à moins avec moins de moyens financiers, de pouvoir les proposer aux bibliothèques et de pouvoir aussi rentabiliser ce travail-là. Et nous, à Médecine Hygiène, on travaille avec 5 revues de sciences humaines plutôt francophones. D'ailleurs, c'est une question historique, mais on s'est retrouvé dès le début embarqué dans l'affaire Cairn, et ça a été très longtemps un win-win, dans le sens où Cairn commercialise nos revues via les bibliothèques, nous rétribue pour le travail éditorial qu'on fait, et tout ça marchait jusqu'à présent très bien, sauf qu'aujourd'hui, vu que les grands éditeurs ne cessent de rehausser leur accès, en fait, à la recherche. De le rehausser financièrement, oui, économiquement. Vous avez pour la première fois des universités qui ont refusé l'accès de Nature à leurs chercheurs parce que les prix d'accès à la connaissance étaient simplement trop élevés. Et donc aujourd'hui, le gâteau ne se partage plus. Et ce qui se pose pour nous en tant qu'éditeurs de sciences humaines en Suisse romande, au fond, pour revenir à votre question de base, c'est que ce qui était aujourd'hui des pourvoyeurs de services comme Cairn qui nous permettaient de gagner de l'argent, aujourd'hui, on a une barrière à l'entrée. C'est-à-dire qu'on peut plus venir avec des nouvelles revues ou beaucoup de nouveaux titres en ayant un espoir réellement de pouvoir rentrer dans nos frais commercialement. Et c'est pour ça qu'en Suisse romande, avec l'Association des éditeurs de sciences humaines, on a décidé de vouloir s'approprier aussi ces outils-là, au fond. Donc on va créer notre propre plateforme. Maintenant, elle fonctionne techniquement. On est en train de travailler ces données-là. Mais l'enjeu de tout on ça... On ne peut pas encore y accéder, mais elle est à bout touchant. Elle est à bout touchant. Et l'objectif, au fond, c'est de pouvoir, avec beaucoup de retard sur le reste du monde francophone, que la Suisse puisse, et les éditeurs suisses, puissent mettre en valeur leur catalogue d'un côté, et puis dans le futur aussi leur nouvelle publication. Comment va s'appeler cette nouvelle adresse ? Ce sera Libreo. Libreo. Voilà, c'est ça. Ouais. Et alors, pour constituer un pareil objet, fût-il virtuel, ça demande toujours du sang, de la sueur et des larmes, puis surtout un petit peu de monnaie, accessoirement. Mm-hmm. Alors, est-ce que c'est vous, chaque éditeur, qui mettez au pot ? Avez-vous quelques subsides de généreux mécènes qui vous soutiennent avec toute la chaleur humaine nécessaire ? Alors, le projet, il a débuté grâce au fonds de soutien à l'édition du canton de Genève, qui donne une bourse pour des projets éditoriaux d'une auteure qui n'est pas extraordinaire, hein, mais de 25 000 francs, qu'on a gagné maintenant il y a 3 ans pour ce projet-là, où au fond, Médecine et Hygiène, via sa marque Georg, qui est, le pôle sciences humaines de cette maison d'édition-là, a pu gagner cette bourse et puis commencer le travail. Évidemment, ça suffisait pas, mais nous, à Médecine et Hygiène, où on a, historiquement, un pôle aussi de médecine qui est, au fond, dans les défis technologiques qui se posent actuellement en sciences humaines, sont plus ou moins les mêmes que ceux qui sont en sciences humaines, sauf qu'en médecine on est un petit peu tout seul, donc on a besoin de cette communauté-là pour améliorer notre savoir. Au fond, on a décidé de rajouter une partie de cet argent pour créer cet outil technologique, avec une partie au fond qui est maintenant vraiment dédiée à la médecine et qui est séparée de la partie sciences humaines, mais où au fond les deux objets vont pouvoir coévoluer. Et on pense que on est aujourd'hui une dizaine d'éditeurs à se lancer. On aura plus de force pour trouver des moyens de maintenir tout ça sur le long terme, mais aussi en termes de savoir. Je viens de faire là le tour justement des 10 éditeurs qui vont se lancer sur la plateforme. On voit que les niveaux de connaissances, les échanges d'expériences, en fait, sont extrêmement importants pour pouvoir constituer quelque chose de commun dans ce domaine-là. Libreo va s'adresser à qui, Michael Balavoine ? D'abord et essentiellement aux universités ? Non, puisque toutes vous connaissent, j'entends, les universités connaissent les éditeurs de Suisse romande. Est-ce que l'intention, si on a bien saisi, c'est aussi d'aller un petit peu plus loin, je veux dire un peu plus du côté de la cité, donc un peu plus du côté du lecteur et de la lectrice lambda ? Et si oui, est-ce qu'il y a de l'argent là-dedans à débourser pour aller lire les auteurs ? Alors, le modèle qu'on a choisi, il est mixte. Hein. Principalement, on se fait pas vraiment de doute. Les lecteurs principaux de cette plateforme au départ, ça sera quand même probablement les étudiants, les chercheurs. Et les auditeurs d'Histoire Vivante. Et les auditeurs d'Histoire Vivante, évidemment. Disons, le but de cette plateforme-là, c'est aussi d'être un lieu de rassemblement de toute la production qui se fait en Suisse dans ce domaine-là, pour lui donner de la visibilité et puis pour essayer d'avoir un vrai impact aussi au niveau de la population. Et cette plateforme-là, dans l'espoir global, c'est quand même de pouvoir aussi véhiculer ou en tout cas réinstaurer une culture des sciences humaines en Suisse romande. Parce que c'est vrai que j'ai été frappé, moi, quand on a vu la mort de Jean Starobinski, on dit la fin de l'école de Genève, etc. Puis c'est vrai que ce monde-là, alors que Genève est quand même aussi connu pour son temps des Lumières, comme cette espèce d'histoire-là a un petit peu disparu des écrans. Et je pense qu'une plateforme comme ça peut aussi servir à remettre une certaine forme de culture sociale globale autour des sciences humaines en avant. Sans vergogne, je crois avoir piqué à Edgar Morin une formule que je lui avais entendu dire, l'érotisation du savoir. Quand vous faites la comparaison, Michael Balavoine, entre le paysage helvète et le paysage de l'Hexagone, il faut bien dire quand même qu'un certain nombre de chercheurs savent se mettre en scène. C'est peut-être aussi ce qui manque à la Suisse. C'est-à-dire que il y a la qualité, mais il manque un petit peu le sexy. Oui, c'est vrai que c'est incroyable quand on écoute en France la qualité des interventions, mais de manière assez générale. Oui, le taux moyen. Le taux moyen, y compris toute forme de métier confondu. Je dirais que il y a une forme de diction, d'oralité qui est quand même beaucoup plus forte en France. Il y a une tradition peut-être aussi, je ne sais pas comment l'expliquer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a une pléthore de médias qui défendent cette culture quand même complexe, qui n'ont pas renoncé à donner du temps de parole, à donner des lectures parfois difficiles de phénomènes qu'il faut bien voir aujourd'hui dans le monde qu'on a autour de nous, est assez, quand même parfois assez étonnant. Et les sciences humaines ont vraiment un rôle à jouer de décortication de ce futur-là pour arrêter l'horizontalité des réseaux sociaux et des sites internet, de redonner un petit peu de profondeur à ce qu'on est en train de vivre, de sens aussi. Et il faut bien le voir aussi, il y a aussi un défaut de la part des chercheurs, ça c'est certain, en Suisse romande particulièrement, mais je dirais dans les sciences humaines en général, on aime assez peu les raccourcis, donc parfois, ça devient très vite compliqué, peut-être peu audible pour le grand public, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la compétition des médias qu'on a, on est obligé de savoir se mettre en scène d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, si on veut exister, on est obligé d'être un petit peu sexy, comme vous dites, ouais. Michael Balavoine, est-ce que sur Libréo, on verra toutes les revues s'enchaîner les unes aux autres et se ressemblant, ou au contraire, chacune aura son identité préservée, jalousement, mais permettant justement de mettre en valeur, une fois encore, l'esthétique dont on parlait tout à l'heure, les choix esthétiques qui appartiennent aussi au choix de l'éditeur. Est-ce que ça a été posé sur la table et réglé peut-être ? Ben, disons, on est obligé dans la production, en tout cas dans la transformation digitale, on part toujours de l'objet papier. En tout cas, à l'heure actuelle, on n'a pas encore trouvé d'autres moyens pour la production de ce type de produit intellectuel. On n'a rien trouvé de mieux à l'heure actuelle que le livre, quoi. Après, quand on le transforme d'une manière digitale, on est obligé de standardiser la mise en page. On est totalement obligé de faire ça. Par contre, ce que je crois aujourd'hui, et c'est un petit peu le sens aussi de l'outil qu'on a développé, c'est que on en a fini avec les fourre-tout. Ce qui était au départ l'objectif, c'était de réussir cette digitalisation, puis on mettait un peu toutes les thématiques mélangées ensemble. Et au fond, c'est pas forcément ce que cherchent les gens. S'ils viennent quelque part, c'est qu'ils ont, enfin peut-être ils peuvent venir découvrir quelque chose, mais en général, ils sont quand même en train de chercher à se renseigner sur une thématique particulière. Et ce que je crois beaucoup dans le futur, c'est plutôt que d'avoir des layouts différents, enfin des graphismes différents, c'est plutôt des portails vraiment thématiques qui répondent à des communautés de chercheurs, mais de par là aussi des communautés peut-être plus larges au niveau loco-régional de thématiques particulières. Donc disons graphique, traitement, on va être obligé de rentrer dans une uniformisation. C'est la digitalisation qui veut ça. Ça donne aussi tout un tas d'autres perspectives de recherche. Quand on pense à Franco Moretti qui a travaillé par exemple sur les romans victoriens et qui a montré le déplacement de la ville à la campagne, ça aurait été impossible sans un traitement informatique de ces données-là. Donc ça va donner aussi dans certains cas des aspects de recherche extrêmement intéressants. Mais je dirais, ça standardise quand même la manière du rendu de cette recherche-là. Même si elle part d'un objet qui, à la base, est graphiquement différent de l'un à l'autre, en fait, au fond, il faut réussir, justement, c'est tout l'enjeu de cette transformation digitale, d'être indépendant de la forme pour pouvoir le rendre de façon intelligible à la machine. Mais dans le futur, ce qui est certain, c'est que il y aura des pôles thématiques qui répondent à des besoins vraiment de recherche assez précis, je pense. Michael Balavoine, improvisez-vous 30 secondes, crieur de revue, pour jeter aux oreilles de tous ceux et toutes celles qui nous écoutent en ce moment quelques bons titres de chez vous qu'ils se précipiteront évidemment d'aller acquérir. Alors, je dirais de bons titres. Nous, on travaille beaucoup chez Georg autour des sciences humaines, autour de plusieurs collections. On a une collection notamment de sciences humaines qui s'appelle l'Équinoxe, qui est dirigée par le professeur Michel Poret, où il y a une vingtaine de titres, notamment beaucoup de titres sur la bande dessinée. son implication dans l'histoire sociale, qui sont assez originales au niveau de la recherche francophone. On a actuellement 5 titres qui sont vraiment très intéressants à aller regarder. On a une autre collection. Quels sont ces 5 titres ? Alors, le premier s'appelle Objectif Bulle. Il y a Les Lignes Ennemies, Poc en Stock, Les Cases à l'écran, et le cinquième m'échappe là, actuellement. Mais on va en sortir un bientôt. C'est des bulles sanglantes. Voilà, c'est vraiment joli titre. C'est toujours des jolis titres. C'est toujours des titres très recherchés et qui ont aussi rencontré quand même, pour dire que c'est de la recherche académique, des succès assez importants. On arrive quand même pratiquement toujours autour entre les 800 et 1000 ventes quand même pour ce genre de publication, ce qui est quand même assez étonnant, et c'est un des titres au fond qui sont assez originaux. Après, on travaille nous vraiment dans le monde pour ce qui est de notre partie de catalogue académique autour de collections. On a aussi une collection qui s'appelle Patrimoine Genevois, avec notamment des choses sur les Boissonnas. Là, on va sortir tout prochainement un livre sur Gustave Revillaud, qui est le fondateur du musée de l'Ariana. Donc ça, c'est aussi lié, disons, à la loco-régionalité, hein, comme son titre l'indique. Et puis, on a aussi une collection d'histoire du cinéma qui s'appelle Emprise de vue, qui traite des moyens techniques de l'histoire du cinéma expliquer un petit peu ce qui se passe et les enjeux qu'il y a autour de ça. On vient de sortir Des Machines et des Hommes, justement, qui revient sur tout le monde, justement, de ces machines. Enfin, voilà, tous ces titres-là sont, disons que je pourrais vraiment défendre à peu près tous les titres qu'on sort. J'ai pas des préférences, mais c'est vrai que dans le monde académique, ce qu'on a décidé de faire chez Georg, hein, qui a une histoire assez particulière, parce que c'était la librairie de l'université, elle publiait jusqu'à un certain temps, jusque dans les années 2000, plus de 100 titres par année. On est passé à 4-5 et on est remonté aujourd'hui à une quinzaine de titres. Et au fond, on les organise maintenant vraiment autour de personnalités qu'on a repérées, de collections qui nous paraissent intéressantes et qui nous paraissent aussi toujours avoir un potentiel envers le grand public, hein. C'est-à-dire qu'on va pas nous choisir des choses dont on pense qu'elles ne vont absolument pas se vendre ou avoir leur place en librairie. Michael Balavoine, vous reviendrez régulièrement, vous et vos collègues, pour nous donner un petit peu le pouls et la température du patient, de ce nouveau patient, Libreo. Grosso modo, on a une date de démarrage, espère octobre, ouais, octobre, on espère pour la rentrée, autour de la rentrée académique. Ouais. Eh bien, vous savez ce qu'on dit dans ces cas-là, on ne le dit pas à l'antenne, ça par contre. À bientôt, merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci à vous, Jean-Claire. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.